gratitude pour mon toi maba assez feliz à mon thème à Jésus et ça m'a l'air au coupé ça m'a tondo na Yesu Christ ou quoi y'a l'issé quoi y'a bas son tout n'y en soit et ça m'a tondo et quoi l'alika kané ma sa tout Jésus et mon corps a fait sa merci si ma maba est multiplié et ça m'a tondo Yo papa et mon sousou théo Bongina loku mounyonso Tozo yemba, tozo bina Tozo tanga, tozo sanjola Tozo metola, tozo kumisa Loku mounke mounyonso Ya yo ya he, kaka yo ya he Ya ya he, ya ya he Toto mboli maboko totatola yo zanzambe Mabina nyonso ya basantu ebi na mapona yawe Zela ya basantu e Yesu, zela ya basantu e Yesu, elike ya motema e Yesu, elike ya motema e Yesu, makasi ya basantu e Yesu, makasi ya basantu e Yesu, elike ya motema e Yesu, elike ya motema e Toto mboli maboko totatola yo zanzame Mabina nyonso ya basantu ebi na mapona yawe Yeah.